Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, à nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, faisons monter, monter, parfum de louange. Nous avons la grâce de commencer cette nouvelle semaine avec Jésus-Christ, avec celui qui vit éternellement. Oui, ton Rédempteur est vivant. Mon frère, ma sœur, quel que soit ton problème, sache qu'il y a un Dieu qui est vivant. Celui que nous prions, il opère des miracles. Ne désespère pas, même si tu vis une situation impossible. Les gens t'ont dit que c'est impossible, mais notre Dieu, il rend les choses impossibles possibles. C'est dans la prière. Réveille-toi, réveille ton voisin, réveille ton mari, toi qui es marié, réveille ta femme. Nous sommes à notre émission de prière OSB, opération sur la brèche. Aujourd'hui, nous prions avec le psaume 37, versets 23 à 40. Chaque matin, je me lève. Je prie avec OSB. Chaque matin, moi, je prie. Je prie avec OSB. Je me tiens à la brèche pour mon pays. Je prie avec OSB. Je me tiens à la brèche pour ma famille. Je prie avec OSB. OSB. Opération sur la brèche, la force pour la prière. OSB. Lisons le psaume 37, 23 à 40. L'Éternel affermit les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. J'ai été jeune, j'ai vieilli et je n'ai point vu un juste abandonné, ni sa postérité mendiant le pain. Toujours, il est compatissant et il prête, et sa postérité est bénie. Détourne-toi du mal, fais le bien et possède à jamais ta demeure. Car l'Éternel aime la justice et il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde, mais la postérité des méchants est retranchée. Les justes posséderont le pays. Et ils y demeureront à jamais. La bouche du juste annonce la sagesse, et sa langue proclame la justice. La loi de son Dieu est dans son cœur, ses pas ne chancellent point. Le méchant épie le juste, et il cherche à le faire mourir. L'Éternel ne le laisse pas entre ses mains, et il ne les condamne pas quand il est en jugement. Espère en l'Éternel, garde sa voie, et il t'élèvera pour que tu possèdes le pays. Tu verras les méchants retranchés. Je vis le méchant dans toute sa puissance. Il s'étendait comme un arbre verdoyant. Il a passé et voici il n'est plus. Je le cherche et je ne le trouve plus. Observe celui qui est intègre et regarde celui qui est droit. Car il y a une postérité pour l'homme de paix. Mais les rebelles sont tous anéantis. La postérité des méchants est retranchée. Le salut des justes vient de l'Éternel. Il est leur protecteur au temps de la détresse. L'Éternel les secourt et les délivre. Il les délivre des méchants et les sauve parce qu'ils cherchent en lui leur refuge. Amen. Il y a quatre vérités que je voudrais partager avec vous, chers amis des OSB. Voici la première vérité. Il y a quatre choses que l'Éternel fait en faveur du juste. Si tu es juste, il va faire ces quatre choses. Premièrement, il affermit ses pas. Il prend plaisir à sa voix et les relève lorsqu'il tombe. David lui-même a expérimenté ce relèvement divin après sa chute avec la femme d'Uri. Dieu l'a relevé parce qu'il s'est repenti. De la même manière, toi qui m'entends, si tu sais que tu t'es égaré, tu es tombé dans un péché, repens-toi comme David s'est repenti et Dieu va te relever. Deuxième chose que Dieu fait dans la vie du juste, il n'abandonne pas le juste. Verset 25. David dit: j'ai été jeune, je vieillis, je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant le pain. Je vais parler à une femme. Tu es une femme veuve. Ton mari t'a laissé avec les enfants, ou bien ton mari t'a quitté. Mais j'aimerais te dire, si tu vis d'une manière juste, si tu vis dans la sainteté, Dieu ne peut pas t'abandonner, ni ta postérité ne va pas mendier le pain. Oui, ne te pose pas la question, comment je vais payer les études de mes enfants? Oui, le Seigneur va pourvoir de manière miraculeuse. Oui, retiens cette parole. J'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai point vu un juste abandonné. Dieu ne peut pas t'abandonner. Je parle à une sœur. Tu as laissé ta place de maîtresse parce que tu sortais avec un homme qui n'était pas ton mari. Tout le monde dans ta famille te critique et disent, voilà, tu as laissé ce monsieur, il a beaucoup d'argent, il donnait l'argent à ta famille. Mais à cause de Jésus, tu as laissé. J'aimerais te dire, dans un premier temps, ce sera difficile. Mais le Seigneur ne va pas t'abandonner. Il va pourvoir à tes besoins. Il s'appelle Yahvé Jiré. Il ne peut pas t'abandonner. Même ta postérité, ton fils que tu portes, il ne va pas mendier le pain. Dieu va pourvoir à ses besoins. C'est ce Dieu qui a pourvu aux besoins d'Élie pendant les temps de famine. Il a dit à Élie d'aller au torrent de Kérite, qu'il allait ordonner au corbeau de le nourrir. Il l'a fait. Il est capable de le faire encore. Qu'est-ce que Dieu fait encore dans la vie du juste? Il sauve les justes et les protège au temps de la détresse. Verset 39. Lorsque tu vis des moments de détresse, des moments difficiles, si tu es juste, Dieu lui-même va te protéger au temps de la détresse. Et puis enfin, il les secourt et les délivre des méchants. Verset 40. Il va te secourir. S'il y a des méchants, des gens mal intentionnés, des gens qui veulent te détruire, qui veulent te faire du mal, si tu es juste, Dieu va te délivrer des méchants. Il va te secourir. Deuxième vérité. Il y a des caractéristiques du juste. Il y a ici cinq éléments qui caractérisent le juste. Premièrement, il est compatissant et il prête aux autres. Verset 25. La compassion est l'un des caractères divins. Jésus lui-même était plein de compassion pour ceux qui souffrent. Si tu es juste, tu vas prêter aux autres. Les gens viendront chercher refuge auprès de toi. Deuxième élément, le juste possède le pays. Verset 29. C'est-à-dire, il va régner au niveau du pays. Il va posséder les richesses du pays. Troisièmement, sa bouche annonce la sagesse et sa langue proclame la justice. Quand le juste parle, il ne dit pas n'importe quoi. Il proclame la sagesse, la justice. L'apôtre Paul mentionne Jésus-Christ comme notre sagesse et notre justice, selon 1 Corinthiens 1, verset 30. Quatrièmement, la loi de Dieu est dans son cœur, de sorte que ce pas ne chancelle point. Le juste a la loi de Dieu, c'est-à-dire la parole de Dieu est dans son cœur. Et puis enfin, il cherche son refuge en l'Éternel. Verset 40. C'est pourquoi l'Éternel le secourt et le délivre. Troisième vérité. Il y a des conditions à remplir pour posséder le pays. Si tu veux posséder le pays, première condition, il faut se détourner du mal et faire le bien. Verset 27. Détourne-toi du mal. Tu ne peux pas posséder le pays tant que tu vivras dans la compromission, tu vivras dans la masturbation, dans l'homosexualité, tu vivras dans le mensonge, dans la haine, dans la corruption. Non, Dieu ne bénit pas de telles personnes. Deuxièmement, il faut être juste pour posséder le pays. Verset 29, il faut être juste. La justice ici, il y a d'abord la justice positionnelle, celle que nous avons lorsque nous acceptons Jésus. Si tu acceptes Jésus, tu es juste. C'est la justice positionnelle. Mais il y a aussi la justice quotidienne, la justice pratique. C'est-à-dire quand tu vis dans la sanctification, tu vois, c'est la justice. Troisième condition pour posséder le pays, il faut espérer en l'Éternel et garder sa voie. L'espérance, c'est la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Si tu n'espères plus quelque chose, le Seigneur ne peut pas te bénir. Il faut garder la foi, espérer en Dieu et garder la voie du Seigneur. Verset 34. L'Éternel avait déclaré à Josué que l'obéissance à ce commandement était une condition essentielle pour réussir dans son projet de conquête de la terre promise. Selon Josué 1:8, il a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite les jours et nuits pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Quatrième vérité, il y a la rétribution des méchants. Dieu rétribue les méchants. Et ici, il y a trois éléments. Il dit, sa postérité sera retranchée. Verset 28. Si tu es méchant, sache que non seulement Dieu peut te frapper, Dieu va te condamner, te juger, mais ça peut se répercuter même au niveau de tes enfants. Deuxième rétribution, il va disparaître. Verset 35 à 36. Moïse disait aux enfants d'Israël, « Les Égyptiens que vous voyez maintenant, vous ne les verrez plus jamais. » Exode 14, 13. Ces Égyptiens représentent les maladies qui te fatiguent, les échecs, les blocages de tout genre. Les Égyptiens que tu vois maintenant, tu ne les verras plus jamais. David dit, « J'ai vu les méchants dans toute sa vigueur. Je le cherche, il n'est plus, il a disparu. » Il y a des situations qui vont disparaître, mon frère. Je vais déclarer à une femme, oui, il y a des fibromes qui te fatiguent, qui t'empêchent d'enfanter. Je déclare au nom de Jésus que ces fibromes vont disparaître et tu vas oublier. Tu vas jouir de la joie de l'enfantement, oui. Les méchants vont disparaître. Et enfin, la rétribution des méchants, ils seront anéantis. Dieu lui-même va les anéantir, selon le verset 38. C'est ce Dieu qu'il va combattre en ta faveur. Il promet d'anéantir tes ennemis. Que son nom soit glorifié, que son nom soit béni. Nous allons le louer, nous allons le célébrer à travers ce cantique. Alléluia. gloire à Dieu. Il mérite l'honneur, il mérite la gloire, il mérite la force. Élève ta voix là où tu es, mon frère. Élève ta voix, ma sœur. Bénis son Saint-Nom. Amen. Nous rappelons que nous sommes à notre émission de prière que nous appelons OSB, Opération sur la brèche. C'est votre serviteur microphone, révérend Dieudonné Ngoumbi. Nous saluons tous ceux qui suivent OSB partout dans la région de Gbeke. Oui, partout. Vous qui nous suivez à partir de Yamoussoukro, à partir d'Abengourou, à partir de Mans, à partir de Korogo, à partir de Tiassalé, à partir de partout, de Dabou, de Jacquesville. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse ceux qui nous suivent au Maroc, ceux qui nous suivent au Sénégal, ceux qui nous suivent au Congo RDC, à Kinshasa, ceux qui nous suivent en France, ceux qui nous suivent à Rome, ceux qui nous suivent en Belgique, à Bruxelles, aux États-Unis, à New York, à Washington. Partagez OSB avec des parents, avec des amis, par WhatsApp. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, notre passage, c'est Psaume 37, 23 à 40. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier pour que les caractéristiques du juste énumérées dans ce psaume soient évidentes dans votre vie. La compassion, l'annonce de la sagesse et de la justice, la plénitude de la parole de Dieu dans votre vie, dans votre cœur. Tu vas prier pour que ces choses soient évidentes dans ta vie. Prions le Seigneur. Éternel Dieu, fais-moi grâce. Fais-moi grâce, car c'est en toi que mon âme cherche un refuge. Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes, jusqu'à ce que le malheur soit passé. Je crie au Dieu très haut, au Dieu qui agit en ma faveur. Il m'enverra du ciel le secours, car celui qui me harcèle me couvre d'insultes. Merci Père éternel, ce matin je te rends grâce et je te glorifie, parce que tu me protèges et tu me sécurises, tu me gardes chaque jour, toi qui es Dieu d'éternité en éternité. Je me tourne vers toi ô Père éternel, et je demande que ta grâce et ta faveur m'environnent. Je prie dans le nom de Jésus-Christ, et je demande que tu me donnes un cœur compatissant, que des paroles de sagesse sortent chaque jour de ma bouche, et que je marche dans les sentiers de la justice. Merci Père éternel pour la sécurité que tu donnes à tes fils et à tes filles. Je prie dans le nom de Jésus-Christ contre tout obstacle à la manifestation des vertus de l'éternel dans notre vie. Je prie et je m'élève contre les projets des puissances des ténèbres, les esprits méchants qui complotent pour nous pousser dans le péché, pour nous pousser dans l'erreur. Incline notre cœur au Père éternel dans la justice, afin que nous puissions être toujours des témoins fidèles. Nous disons merci pour la sécurité, pour le soutien que tu nous donnes chaque jour. Nous avons mis notre foi en toi, nous avons mis notre espérance en toi, et nous savons que tu n'abandonnes jamais tes enfants. C'est au nom de ton fils Jésus-Christ que nous avons prié avec action de grâce. Amen. Amen. Nous allons proclamer cette promesse divine. Dieu ne nous abandonnera pas et il n'abandonnera pas notre postérité. Notre postérité ne va pas mendier le pain. C'est David qui a dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai point vu les justes abandonnés, ni sa postérité mendier le pain. Tu vas proclamer cette promesse, tu vas dire, Seigneur, je proclame que moi, comme je suis juste, tu ne vas pas m'abandonner. Ma postérité, mes enfants ne vont pas mendier de pain. Au nom de Jésus-Christ, confesse cette promesse au nom de Jésus. Gloire à toi, notre Dieu, notre Père, notre Seigneur, Yahweh Jireh. Sois béni ce matin, parce que tu es dans ta parole. Et quand tu l'as dit, tu la réalises. Parce que tu n'es pas un homme qui ment, ni le fils d'un homme qui change de paroles. Mais ce que ta bouche dit, ta main l'accomplit. Merci Seigneur, parce que David l'a expérimenté. Il a été jeune, il a vieilli, il n'a jamais vu que tu l'as abandonné. Il n'a jamais manqué de pain. Nous prophétisons cette parole sur tous ceux qui nous écoutent ce matin. Que Seigneur, cette parole s'accomplisse dans leur vie, dans la vie de nos enfants, dans nos foyers. Là où nous sommes, nous voulons voir la provision se réaliser, s'accomplir toujours. Notre maison, une maison de provision, une maison de miracles, une maison de signes, une maison de guérison, une maison d'élévation, une maison de prière, une maison où la main de Dieu se manifeste. Nos églises également, Dieu Tout-Puissant. Merci parce que le pain ne va jamais nous manquer. Gloire à toi, ta grâce va toujours se répandre sur notre vie. Tu vas toujours nous accompagner. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagnerons tous les jours de notre vie. À toi la gloire pour ta fidélité. À toi la gloire pour ta générosité, ta miséricorde, ta compassion, ta faveur. À toi la gloire. Au nom de Jésus-Christ, amen. Amen. Nous allons prier pour que Dieu fasse disparaître nos Égyptiens qui nous tourmentent. Nos Égyptiens ici, ce ne sont pas forcément des hommes. Ça peut être des problèmes, des situations. Le Seigneur va faire disparaître. Ça peut être des problèmes, des maladies qui te fatiguent. Ça peut être des échecs qui te fatiguent. Ça peut être les célibats qui t'empêchent d'entrer dans le mariage. Ça peut être des problèmes de sorcellerie dans ta famille. Ce sont des Égyptiens. Tu vas prier pour que Dieu fasse disparaître ces choses au nom de Jésus et que tu entres dans une dimension nouvelle où tu vas expérimenter sa puissance, sa gloire. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Notre Dieu, merci parce que nous sommes là à cause de ta grâce, à cause de ta bonté, à cause de ta miséricorde, à cause de tes bienfaits, à cause de ton amour que tu as pour nous. Tu ne nous as jamais abandonnés. Quand bien même la situation semble être difficile, le défi est grand. Quand bien même nous sommes dans l'attente d'un exaucement et que cela n'a pas encore eu lieu, nous savons que tu es le même. Tu demeures Dieu. Tu es pour nous un rempart, un appui, un soutien. Tu es pour nous le seul et unique Dieu en Christ Jésus qui nous a sauvés. Et ce matin, nous voulons encore te dire merci. Parce que beaucoup d'ennemis se lèvent contre nous. Des Égyptiens spirituels ne veulent pas que nous avancions. Ils ne veulent pas que notre mariage ait lieu. Ils ne veulent pas notre enfantement quand nous nous marions. Ils ne veulent pas aussi que nous ayons des enfants. Des Égyptiens nous infligent des maladies. Des Égyptiens qui peuvent s'apparenter à des œuvres de la sorcellerie qui volent nos grâces, qui volent notre bénédiction, qui volent notre élévation dans le travail, qui volent notre argent, qui volent bien des choses. Et nous tournons en rond. Mais par la puissance du Saint-Esprit, par ta gloire en nous, par le nom de Jésus, nous voulons nous lever pour détruire tous ces Égyptiens spirituels qui retardent nos destinées. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous brisons toute œuvre des Égyptiens qui nous empêche d'avancer. Au nom de Jésus, cher Saint-Esprit, ce matin avec toi, nous voulons détruire, renverser les projets des Égyptiens physiques et spirituels qui nous empêchent de voir ta gloire, qui nous empêchent d'être en bonne santé, qui nous empêchent d'être dans la joie. Au nom de Jésus-Christ, merci Seigneur pour cette semaine et pour tout ce que tu as prévu pour nous qui seront des témoignages. Et cela se réalisera au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. Bonne suite des programmes et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance. Sombre puissant.